طيب commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours 2 dans l'explication du livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh. Al-Madkhal ila ilm al-fiqh. Al-fiqh usuluhu wa masadiruhu wa mazayah. Donc c'est écrit par le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Hamoud Abal Khayl. Donc on est arrivé à la deuxième partie et c'est Masadir al-Fiqh al-Islami, c'est-à-dire les références et les sources de la science du fiqh dans l'islam. Et il mentionne ici, il va parler des quatre références de la charia, le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le Qiyas. Le Coran, la Sunna, l'Ijma', le consensus, et le Qiyas, c'est le consensus, c'est l'Ijma' et le Qiyas, c'est l'analogie. L'analogie selon les principes et les règles de la charia. Et le qiyas, c'est lorsqu'il n'y a pas un texte clair et explicite à propos de quelque chose dans le Coran, dans la Sunna, eh bien les ulama ils font un effort pour essayer de faire des analogies entre ce qui existe et ce qui est prouvé par les textes et ce qui n'a pas de texte pour le supporter. Puis ils font une analogie entre les deux pour trouver le verdict approprié. Donc premièrement, al-awwalan al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim huwa asas ad-din, al-masdar wa masdar at-tashri' al-islami al-awwal wa huddatullah al-baligha fi kulli 'asrin wa masrin wa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ballaghahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi imtithalan لأمر ربه سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Donc le cheikh il explique que le Coran le Karim c'est la base de la religion et que c'est la première référence et la première source de législation dans l'islam et que c'est la preuve tranchante que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée et que c'est une référence qui est valable pour toute époque et en tout lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pour décrire le Coran, que le faux ne l'approche ni par devant ni par derrière et que c'est une révélation d'un digne de louange, hein, d'un sage digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à sa umma, c'est-à-dire à sa nation, et il l'a transmis pour mettre en application les ordres de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le verset, dans Surat al-Ma'idah, le verset 67, il dit, « Oh, toi le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message, tu n'auras pas accompli la tâche que ton Seigneur t'a ordonné de faire. » Donc il dit واحتوى على الأمر الإلهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من أحكام في غير موضع بغير وبغير أسلوب واحد. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل شأنه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc le cheikh il énumère un nombre de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre explicite de suivre sa révélation, de suivre le Coran et d'agir selon ce qu'il y a dedans comme règle dans plusieurs endroits dans le Coran et avec plusieurs styles ou de plusieurs façons. Et il mentionne un exemple dans le verset Surat Al-Araf, le verset 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et suivez ce qui est révélé sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. » Il donne un autre exemple aussi, le verset 229 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité pour confirmer ce qui était auparavant et pour confirmer le livre qui était avant et pour prendre le dessus sur celui-ci. » Alors ça c'est le verset suivant, le verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 48. Le verset 229 dans Surat Al-Baqarah, c'est celui qui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Voici les limites d'Allah, hein, alors ne les transgressez pas. Et quiconque transgresse les limites d'Allah, alors ceux-là sont les injustes. » Ça, c'est le verset. Le verset suivant, c'est le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité pour confirmer ce qui était auparavant comme livre et pour prendre le dessus sur celui-ci, pour qu'il prenne le dessus sur celui-ci, c'est-à-dire sur les livres qui étaient révélés auparavant. » Donc le Coran est venu abroger les livres précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Et donc juge entre eux selon ce que Allah a révélé, et ne suis pas leur passion, pour que ça t'éloigne loin de la vérité. » C'est-à-dire, ne suis pas leur passion qui vont te détourner de ce qui t'a été donné comme vérité. Il dit ensuite wa anzalna ilayka al-kitab. OK, on a lu ce verset là. Il dit donc à la suite du verset, ça dit et donc juge entre eux selon ce que Allah a fait révéler sur toi, selon ce que Allah a révélé, et ne suis pas leur passion qui t'éloigneront de ce qui ou bien qui vont te faire dévier de ce qui t'est parvenu de la vérité. Dans le verset suivant que le cheikh a cité, c'est les versets 49 et 50 dans Surat Al-Ma'idah. C'est les versets donc 49 et 50. Ça dit « Et juge entre eux selon ce que Allah a révélé et ne suis pas leur passion et fais attention qu'ils cherchent de te tenter, de te faire dévier d'une partie de ce que Allah a révélé sur toi. Et si ils se détournent, alors sache que c'est uniquement Allah qui veut les éprouver à cause d'une partie de leur péché, et la plupart, ou bien beaucoup d'entre eux, parmi les hommes, sont pervers. Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent? Et qui est meilleur qu'Allah comme juge pour des peuples qui ont la conviction? » Donc ça, c'est les versets que le cheikh il a cité. Puis après, il dit وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظا ودراسة لمعانيه وعملا بما فيه. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Donc il dit que les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont reçu, ils l'ont récité, ils l'ont mémorisé, ils ont étudié ses significations et ils ont appliqué ce qui était écrit dedans. Et il dit que Abu Abdurrahman As-Sulami, un des salafs, il disait ceux qui nous récitaient le Coran nous ont transmis, comme Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, que lorsqu'ils apprenaient 10 versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne les dépassaient pas jusqu'à ce qu'ils aient appris ces 10 versets et qu'ils aient connu ce que ces versets contiennent comme science et comme pratique. Et il a dit, nous avons donc appris le Coran, la science et la pratique ensemble. Il dit وقال في مجمع الزوائد وعن ابن عمر قال لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يأتي الإيمان قبل القرآن أو يؤتى الإيمان قبل القرآن تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن ثم لقد رأيت رجلا يأتي أحدنا القرآن أو يؤتى أحدنا القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته وما يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. Donc il dit que c'est rapporté selon Ibn Omar, il dit j'ai vécu un certain temps et certains d'entre nous ceux d'entre nous qui ont reçu le Coran, on a reçu la foi avant le Coran, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait le tawhid, leur enseignait l'iman avant le Coran. Et donc il dit la sourate a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on apprenait ce qu'il y a dedans comme halal et comme haram et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit s'abstenir de faire de qu'est-ce qui est dans le Coran. Et donc tandis que vous, comment vous apprenez le Coran? Il dit j'ai vu qu'un homme, il recevait le Coran avant de recevoir la foi et il lit tout le livre du Coran, du début du livre, la Fatiha, jusqu'à la fin, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme ordre ni comme interdiction et qu'est-ce qu'il doit cesser de faire ou sur quoi il doit s'arrêter, et il le récite juste comme ça, comme une récitation. Donc c'est pour dire que il y a des gens comme ça qui lisent le Coran sans compréhension, puis ils apprennent pas qu'est-ce qu'il y a comme règle dans le Coran. Comme les Hufaz aujourd'hui, ils mémorisent le Coran en 3 ans, ils ont fini, ils rentrent dans des écoles, 3 ans, ils deviennent Hafiz Coran, ils récitent du début à la fin par cœur, mais ils comprennent rien de qu'est-ce qui est écrit dedans. Allah al-musta'an. Donc ensuite il dit وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن في كل عصر ويتوارثون الأمة وتوارثت الأمة نقله بالكتابة على مر الدهور جيلا بعد جيل من غير تحريف ولا تبديل وذلك مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام وجاءت أكثر أحكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة وتضع بيد الأمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئية الحوادث في كل زمان ومكان وبين كل أمة وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أقديات. Donc le cheikh il explique que c'est ainsi donc que les musulmans ont préservé le livre par écrit hein, depuis toutes les époques, et ils ont hérité de cet écrit là et génération après génération sans qu'il y ait aucune falsification ou changement dedans. Et ça c'est pour confirmer le verset de Sourate Al-Hijr, le verset 9 dans Sourate Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons certes fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Et il dit que le Coran, donc, il comprend les fondements de la charia, et ainsi que les règles, les principes du halal et du haram. Et le Coran a ramené la plupart des règles, les règles générales de la charia, qui indiquent les objectifs hein, établis par la charia, ou que la charia a établi. Et elle met, yani, elle place, yani, pour la Ummah et pour les gens qui sont des savants, eh bien, les règles, hein, la lanterne avec laquelle, ou à la lumière de laquelle, ils vont pouvoir extraire les règles des différents éléments dans les différents événements qui se produisent, peu importe l'époque, peu importe le lieu, dans toutes les nations, lorsqu'il se produit quelque chose, eh bien, on est capable, à la lumière de la charia, d'extraire les règles qu'on a besoin pour savoir quoi faire et comment régler les différentes situations lorsqu'il y a quelque chose qui se produit. Et c'est ça le secret de la charia éternelle, fait qu'elle reste jusqu'à la fin des temps, et parce que elle est, ainsi que le secret aussi de la préservation donc de la charia et des règles complète de la charia ainsi que des objectifs généraux de la charia pour régler les différentes questions que les musulmans ont besoin, hein, les gens ont besoin de régler quand il y a des cas qui se présentent. Il dit ensuite, c'est-à-dire que dans le Coran il y a les règles générales de la charia pour clarifier les grandes lignes et les grands principes hein, de comment agir. Et on est capable, à partir du Coran, d'extraire les ahkam, les règles, de savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est makruh, qu'est-ce qui est mustahab, qu'est-ce qui est mubah, et ainsi de suite. Et c'est ça. Donc le cheikh, il l'explique, il dit « وَإِنَّمَا فَصَّلَ الْقُرْآنَ مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَسْمُ عَنْ مَوَاطِنَ الْخِلَافِ وَالْجَدَلِ كما في العقائد وأصول العبادات أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وذلك كما في تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض المعاصي إلى آخره. Donc le cheikh il explique qu'il y a des choses que le Coran a détaillées dans lesquelles il faut absolument qu'il y ait des détails, des clarifications. Pour éviter justement qu'il y ait des divergences ou des débats ou des argumentations, comme dans les questions de croyance, les questions des fondements des adorations, ou les choses sur lesquelles les bases sont établies, et pour pas qu'il y ait de changement ou de divergence dans ces choses-là, les choses qui changent pas, ni dans le temps, ni dans l'espace, comme par exemple la législation des héritages, les choses qui sont interdites par exemple par rapport au mariage, les personnes que tu ne peux pas épouser qui sont interdites, de même que les punitions pour les différents crimes et les différents péchés, tout ça c'est des choses qui sont établies dans le Coran, c'est clair, ça ne change pas, et c'est des choses qui sont stables, qui font partie des bases hein. Donc le Coran il a détaillé ces choses là ذي والقرآن كتاب هداية يهتدي به من قرأه أو حفظه وتدبر معانيه واتعظ بما جاء فيه فتلزمه الحجة وفي صحيح الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الشيخ يلexplique que le Coran c'est un livre de guidance. Et celui qui le lit en cherchant la guidance, il est guidé. hein, ou même celui qui le mémorise en réfléchissant sur ses significations et également en cherchant des exhortations. Donc il trouve des exhortations dedans, hein, et c'est un livre aussi qui établit la preuve. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, les gens vont lire le Coran, il a dit lisez le Coran parce qu'au jour de la résurrection, ce livre-là va venir comme intercesseur pour les gens qui l'ont lu. Au jour de la résurrection, il va venir comme un intercesseur pour ceux qui l'ont lu. Il dit وَلِذَا كَانَ تَدَبُّرُهُ وَاجِبًا حَتَّى يَفْتَحُ مَغَالِقِ الْقُلُوبِ وَتَسْتَنِيرُ بِهِ الْأَفْئِدَةِ وَيَقُودُ النَّاسُ إِلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que sa méditation et la réflexion sur sa signification c'est une obligation, de même que yani, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir les cœurs fermés et illuminer les cœurs, hein, et ça amène les hommes à rester dans les limites de ce qui a été révélé dedans, de ne pas dépasser les limites d'Allah et à mettre en application ce qui a été révélé. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Sa'd, le verset 29, c'est un livre qu'on a fait descendre sur toi qui est béni pour qu'il puisse méditer sur sa signification. Yatadabbarun, liyadabbaru ayatihi. Et dans l'autre verset, verset 24, dans sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il cite donc ce verset qui dit non, ne vont-ils pas réfléchir ou méditer sur le Coran, ou bien ils ont un cadenas sur leur cœur, hein? Et le cheikh il dit وَلَهُ مِنْ رَوْعَةِ التَّنْزِيلِ وَجَلَالِ الْأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِذِ مَا تَتَصَدَّعَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَالرَّوَاسِي ولكن الله امتن على عباده فجعل القرآن ربيع قلوبهم وجلاء أبصارهم وبصائرهم ونور حياتهم وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Donc le cheikh il dit que وله من روعة التنزيل وجلال الأحكام والمواعظ. Donc dans la révélation et les différentes règles et exhortations que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées, il y a dedans ce qui peut même pulvériser les montagnes, hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a fait la faveur à ses serviteurs de faire que le Coran est le printemps de leur cœur et qu'est-ce qui vient illuminer leurs yeux et leur clairvoyance, et également ce qui illumine et éclaircit leur vie, hein, remplit leur vie de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans surat Al-Hashr, le verset 21, il dit si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se pulvériser par la crainte d'Allah, hein. Et il dit وهو كتاب الله تبارك وتعالى وفيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا والفصل وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا يزيغ به الأهواء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يعني من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم أو إلى صراط المستقيم. Donc le cheikh, c'est un passage, et ce passage c'est une parole, je pense que c'était mentionné dans le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Usul al-Tafsir, je me rappelle de l'avoir lu là-bas. C'est rapporté par Darimi. Également, tu le retrouves dans Sunan al-Tirmidhi, cette parole, et aussi dans le Musannaf de Abdul Razzaq. Donc, c'est pas un hadith, c'est une athar, c'est une narration d'un sahabi, je crois. Allahu a'lam. Il dit que c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il y a dedans des informations à propos de ceux qui étaient avant nous, et l'information de ce qu'il y aura après nous, et un jugement pour qu'est-ce qui est entre nous, et quelque chose qui vient trancher. C'est pas quelque chose qui est une plaisanterie. Celui qui l'abandonne parmi les gens puissants, Allah subhanahu wa ta'ala le brise, et celui qui cherche la guidance d'autres que lui, Allah l'égare, et c'est le câble d'Allah solide, la lumière évidente, c'est le rappel sage, c'est le droit chemin. Personne ne s'en... c'est le livre que les passions ne peuvent pas faire dévier, et que les langues ne peuvent pas confondre, que les opinions ne peuvent pas s'embrancher avec lui, et que les ulama, ils sont jamais rassasiés de le lire, et que les pieux ne sont jamais fatigués ou ennuyés de le lire. Et également, il dit que le fait de le répéter, ça ne l'use pas. Et qu'est-ce qui est dedans comme chose étonnante ne cesse jamais de nous étonner. Et c'est également le livre que les djinns, lorsqu'ils l'entendent, ils ne cessent toujours de dire « nous avons entendu une récitation étonnante ». Celui qui le connaît et qui a sa science, il prendra les devants sur les autres, il dépassera les autres. Et celui qui parle par le Coran, il dit la vérité, et celui qui juge par le Coran, il sera juste, et celui qui l'applique, il sera récompensé, et celui qui appelle à ce Coran, il sera guidé, il guidera, ou il sera guidé vers le droit chemin. Donc ça, c'est la parole à propos du Coran. Ensuite, à propos de la Sunna, qui est la deuxième référence dans la Sharia, le Cheikh, il dit: تعتبر السنة النبوية المطهرة المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي بل تعتبر المصدر بل تعتبر المصدر الأول في كثير من الأحكام تعتبر المصدر الأول في كثير من الأحكام والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن والسنة معا قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال سبحانه ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد ذكر الشافعي ويحيى بن كثير وقتادة وغيرهم أن المقصود بالحكمة السنة لأن ما يتلى في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما السنة. Donc le cheikh, il explique que on considère la sunna comme étant la deuxième source dans la législation du fiqh de l'islam, et il dit que on considère même parfois que c'est la première source, et j'ai entendu même des ulama qui expliquent que en réalité le Coran et la Sunna, ça va ensemble, c'est comme si c'était la première source ensemble, les deux ensemble, parce que le Coran et la Sunna, on ne peut pas les séparer, hein. Il explique, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et la Sunna. Il a révélé le Coran et la Sunna ensemble. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les deux, le Coran et la Sunna, pas seulement le Coran. Donc la Sunna fait aussi partie de la révélation. La preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat al-Ahzab, verset 34, il ordonne aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire ce qui, de se rappeler de ce qui est récité dans leur demeure, dans leur maison, des signes d'Allah, des versets d'Allah et de la sagesse, wal hikma. Et dans d'autres versets, comme le verset dans verset 2 dans sourate al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit et il leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse en question ici c'est la sunna, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, également l'imam Ibn Kathir et également Qatada et d'autres ont mentionné cela. Yahya ibn Kathir, Qatada et d'autres ont dit que ce qui est voulu par le terme la sagesse, c'est la sunna. Et c'est ce qui est récité dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est soit le Coran ou soit la sunna. Il n'y a pas d'autre chose. Donc le cheikh il dit وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Ça c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, de même que dans l'Uzum Sunnah. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que je ne trouve pas quelqu'un d'entre vous accoudé ou allongé sur son lit ou sur son sofa ou sur son divan. Et il reçoit les ordres de ce que j'ai ordonné ou de ce que j'ai interdit. Et il dit, entre vous et nous il y a le Coran, ce que vous trouvez dans le Coran de halal, on le déclare halal, et ce qu'on trouve dedans comme haram, on le déclare haram. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, certes ce que j'ai reçu, il dit c'est le Coran et quelque chose de semblable avec. Certes ce que j'ai reçu c'est le Coran et quelque chose de semblable avec. Donc en voulant dire que le Coran et la sunna, les deux sont des révélations. Et donc tu ne peux pas juste dire je prends seulement ce qui est dans le Coran. Après le cheikh il dit وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ بِقَوْلِهِ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ فَقَالَ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحذر من مخالفته فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني ولم يجعل لنا الخيرة أمام حكمه. فقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجعل ذلك في أصول الإيمان. فقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وفرض على المؤمنين طاعته لأنها من طاعة الله. فقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Donc le cheikh il explique maintenant les preuves du Coran qu'il est obligatoire de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Donc il mentionne premièrement le verset dans sourate al-Najm, verset 3 et 4, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et ensuite il dit, donc il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le suivre et de lui obéir dans le verset, dans sourate al-Hashr, le verset 7, il dit et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et également dans le verset, dans sourate An-Nur, le verset 54, verset 54 dans sourate An-Nur, il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Et dans le verset, également il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala avertit de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de contredire son ordre, lorsqu'il dit Dans le Coran, c'est le verset, comme j'ai dit, dans Surat An-Nur, le verset 63, il dit que ceux qui contredisent son commandement prennent garde d'être frappés par une tentation, une épreuve. Et les ulama ont dit la fitna ici, dans le verset, c'est le shirk, ou qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les punisse en les frappant par le shirk dans leur cœur, ou une déviation, ou un égarement dans le cœur, ou bien qu'ils soient frappés par un châtiment douloureux. Et non, donc ça c'est le verset 63 dans Surat An-Nur. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que devant la sunna, on n'a pas le choix d'agir. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'appartient pas aux croyants ou à la croyante, une fois qu'Allah et son messager ont jugé d'une chose, d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir. Et il mentionne également que ça fait partie des fondements de la foi que de yani, croire et suivre et obéir au messager et à sa sunna. Il dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge dans leur affaire, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne pour ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent de soumission entière, complètement. Et également, il dit que c'est une obligation pour les croyants d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam parce que ça fait partie de l'obéissance d'Allah. Et la preuve est dans le verset précédent, c'est le verset 65 dans Surat An-Nisa. Et le verset qu'il cite maintenant, وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ, c'est-à-dire, celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc ça, c'est des textes qui sont clairs à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine dans la suite des preuves de l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la sunna, et que c'est la référence par excellence après le Coran. Et on continue ça la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.